Book 2 87 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Passé des modaux 1 Passé des modaux 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Nous devions arroser les fleurs. Nous devions arroser les fleurs. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Nous devions ranger l'appartement. Nous devions ranger l'appartement. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Nous devions laver la vaisselle. Nous devions laver la vaisselle. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Vous deviez payer la facture. Vous deviez payer la facture. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Vous deviez payer l'entrée. Vous deviez payer l'entrée. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Vous deviez payer l'amende. Vous deviez payer l'amende. من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Qui devait dire adieu? Qui devait dire adieu? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Qui devait aller à la maison de bonne heure? Qui devait aller à la maison de bonne heure? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار. Qui devait prendre le train? Qui devait prendre le train? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Nous ne voulions pas rester longtemps. Nous ne voulions pas rester longtemps. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Nous ne voulions rien boire. Nous ne voulions rien boire. لقد أردنا أن لا نزعج. Nous ne voulions pas déranger. Nous ne voulions pas déranger. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Je voulais juste téléphoner. Je voulais juste téléphoner. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Je voulais commander un taxi. Je voulais commander un taxi. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. En fait, je voulais rentrer à la maison. En fait, je voulais rentrer à la maison. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Je pensais que tu voulais appeler ta femme. Je pensais que tu voulais appeler ta femme. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Je pensais que tu voulais appeler les renseignements. Je pensais que tu voulais appeler les renseignements. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Je pensais que tu voulais commander une pizza. Je pensais que tu voulais commander une pizza.